Le squelette laboureur. 1. Dans les planches d'anatomie qui traînent sur ces quais poudreux, où main livre cadavéreux dort comme une antique momie, dessins auxquels la gravité et le savoir d'un vieil artiste, bien que le sujet en soit triste, ont communiqué la beauté, on voit, ce qui rend plus complète ces mystérieuses horreurs, bêchant comme des laboureurs, des écorchés et des squelettes. 2. De ce terrain que vous fouillez, manant résigné et funèbre, de tout l'effort de vos vertèbres ou de vos muscles dépouillés, dites, quelle moisson étrange, forçats arrachés aux charniers, tirez-vous, et de quel fermier avez-vous à remplir la grange? Voulez-vous, d'un destin trop dur, épouvantable et clair emblème, montrer que dans la fosse même le sommeil promis n'est pas sûr, qu'envers nous le néant est traître, que tout, même la mort, nous ment, et que sempiternellement, hélas, il nous faudra peut-être dans quelque pays inconnu écorcher la terre revêche et pousser une lourde bêche sous notre pied sanglant et nu ?